Això és Hola La Music amb Rafael Corbí. Chanter. Fini les romances, rien que du silence. Hola La Music amb Rafael Corbí. La música en francès per tots vosaltres i a través d'aquest espai. La nostra edició número 80 amb el programa d'avui. Comencem ràpidament amb música, que és el que tots volem escoltar, i ho fem des de les cançons de Disney. Anomenat We Love Disney, volum 2, publicat el 2014, ens porta alguna d'aquestes cançons fetes famoses d'aquesta saga cinematogràfica, d'aquesta casa que ens va portar tan bones, o no, cançons i pel·lícules. Escoltem algun dels protagonistes que les cantaven, com Arien, Don Basle, amb Henry Salvador o Luan, que ens acompanyaran ara mateix. Comencem amb l'Ariel. Berlioz, faites-moi plaisir, installons-nous et chantons notre chanson. Do mi sol, do, do sol mi, do, le vrai musicien répète avec ardeur de sa vente gamme et des arpèges. Mais il faut qu'il sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses gammes et ses arpèges. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. Do mi sol mi, do mi sol mi, fa la do la do. Répétons nos gammes et nos arpèges. Do mi sol do, do mi sol do. Ariel, écoute-moi. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure, dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là on y bosse toute la journée, esclavagé, prisonnier, qu'on a gros plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se font de la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal, faut dire, c'est l'extase chez leur copain cannibal. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, y y'a pas de gros bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouillon, on dit non. Sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On dit en plus, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan, la vie est super, mieux que sur la terre. Je te le dis, je te le dis. Qui va toujours et l'arrêt. Se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est la dynamique sous l'océan. Riton au flûteau, la capture, la app, la rascasse de la basse, c'est les rois du rap. Macron au saxo, turbo au bongo, le lieu est le dieu de la soul. Oui. La mer au duvet, gardons au violon, sol, rock and roll, le ton, garde le ton. Le bar et le spat se marrent et s'éclatent, vas-y souffle mon doudou. Ça c'est certain, nous le jazz vendé les communs. On a des trim-dames, on fait du trim-dame sous l'océan. Des limaces, des mers, au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bivouacs pour donner tellement, c'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe, donc ça balance sous l'océan. Ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs choc, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des couacs à gogo. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. Le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle? Pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, planer le long de ces... Comment ça s'appelle? Rues. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre aimer au grand jour. Comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici. Caresser les grains dorés du sable chaud. Les âmes comprennent, j'en suis certaine. Et leurs filles peuvent aimer sans frayeur. Fameuse sirène, fameuse humaine, j'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce qu'il veut et pourquoi est-ce qu'il croit déjà? Brûle, un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Partir là-bas.

Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, des yeux ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vite pourrait t'abonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentis, des yeux amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour déterminer ta sensualité. Je te demande si simplement ne fais pas semblant, je t'aimerais. Així hem escoltat el seu primer i únic número 1 a les llistes internacionals, la cançó que ens acompanyava en primer terme perquè es situa, que era número 1 a Bèlgica, i aquest que va ser, de fet, el tema que la va donar a conèixer, un número 2 a França l'any 1993, aquesta sensualitat que ens acompanyava. A França no arriba mai el número 1, sí que ho ha aconseguit en diversos temes el número 2, n'escoltarem un altre d'aquests que també ho va aconseguir, la cançó que és escrita per Jean-Pierre Boccolo, cantada per Renaud, que també era co-compositor d'aquesta cançó en duo amb Axel Red, de l'àlbum del 2002 Volcan d'Enfer. Aquesta cançó és Manhattan, Kabul. L'escoltem també a través del nostre espai d'Olala Music. Bien intégré quasiment new-yorkais, dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre.

sky looks gray. You make my day. The thought of you, clouds move away. The world's mourning, not happy today. I think of you, you make my day. J'ai des jours où les questions m'arrosent. La nuit tombe et j'en suis toujours là. Je pense à toi et les fleurs reprennent leur couleur. Je n'ai plus peur. Rien ne va, je pense à toi. T'es mon soleil, plus jamais froid. Le monde est gris, il ne sourit pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Quand tout est trouble, il me déçoit. C'est toi qui brille, la pluie s'en va. Le monde en rit, toujours pas. Mon truc à moi, je pense à toi. Seva música. És el moment de donar pas a l'Àngel Rodríguez, que una vegada més ens acompanya en la seva col·laboració d'aquesta setmana. A veure en què ens sorprèn. Endavant, Àngel. L'any 2003, Alizé sorprenia amb un tema anomenat Jean Marais. És curiós que a Catalunya i en general a l'estat espanyol el nom d'Alizé no sigui gaire conegut. Com pot ser? No ho entenc. Alizé és per a molts francesos una autèntica musa. A França és una diva. Va néixer l'any 1984 a Còrsega i una de les seves cançons anomenades Moi Lolita, editada l'any 2000, va vendre 1 milió de còpies en només un any. Per sort tenim YouTube i altres canals que ens permeten sortir d'aquestes fronteres i conèixer cantants que a França són autèntics reis, autèntiques reines, i que aquí, per alguna raó que desconeixem, doncs no són conegudes. Avui us presentem, és curiós també que és la primera vegada que surt en el programa de Hola la Music, Alizé, amb vosaltres, amb aquesta cançó Jean Marais. Dans mon bain de mousse, Esteu escoltant Ulala Music. L'Àngel ens ha portat a l'Elisè, de la qual escoltarem més temes en futurs programes, de ben segur. Ara el que farem serà escoltar música de mainada a través de Kids United. Així s'anomenava aquest grup musical francès de 5 criatures, 6 quan el grup va ser format, que entre 2004 i 2009 ens van emportar el naixement d'aquesta mainada, i el 2015 va ser com varen debutar. Es va crear per donar suport a campanyes de l'UNICEF, sponsoritzats per l'Alença Gaga i Cornell, dos cantants francòfones. El seu primer àlbum era Un món millor, que es va publicar amb el Dia Universal de les Criatures, a la mainada del 2015, i que va triomfar de valent, igual que el seu segon àlbum. El maig del 2018 es va anunciar que tres dels que quedaven dels quatre membres que quedaven de la formació començarien la carrera en solitari, que només un, la Glòria, continuaria amb altres joves artistes que s'hi incorporarien a la formació sota un altre nom, Kids United Nobel Generation, la nova generació dels nens de la Mainada Unida. Escoltarem alguna de les cançons que ens aportaven aquesta formació, com per exemple aquest Toulon Menor du Monde, amb duo amb Inaya. Que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Change en jour. Y'a pas de voile au volet de mes frères. Y'a pas d'opale autour de mes doigts. Ni cathédrale où cacher mes prières. Juste un peu d'or autour de ma voix. Je fais les routes et je vais les frontières. Je sens, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'écoute au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne, avais-je le choix? Quel est mon destin? Je vais mon chemin. Els senzills, les cançons triomfadores d'aquest segon àlbum de Kids United, publicat el 2016, Tout le bonheur au monde, i que ens aportava L'oiseau et l'enfant i Destin, com les dues darreres cançons que n'escoltàvem. Així, d'aquesta manera, hem compartit la seva música. No serà l'última música per al dia d'avui, perquè una presentadora i cantant francesa nascuda a Occitània el 1996, una joveníssima Caroline Costa, Subtil, ens acompanyarà amb el programa d'avui també, i ho farà a través de la bona música que ens portava amb el seu àlbum del 2012, de fet l'únic àlbum sencer que va publicar el Jirai, i amb les cançons que ens portava. És un artista que ja va debutar abans d'aquest àlbum. El 2007 va publicar el seu primer senzill, número 12 a França, i després d'aquest àlbum en van a publicar uns quants més, com una cançó que canta amb Ulrich Munchel i que és la que escoltarem tot seguit ja a la recta final de Hola la Music. Menteix o mata per mentides seria la traducció d'aquesta cançó. De ce cauchemar qui me hante, mais je sais que tout est pareil. Tu me mens. Tu me manques, mais que vient faire là la morale quand on sent toi si mal? J'ai si mal. We kill for lies, kill for lies, murder our love to save our pride. Poison's truth, love suicide. Cette nuit, je ne dors pas. Je cours, non, non. una estrella que no ho és davant dels altres, sinó que ho és amb els seus propis ulls, i això és el que transmet sempre aquesta joveníssima Caroline Costa. En 16 anys cantava aquestes cançons, avui una miqueta més gran, no gaire més, ens porta també brillants cançons. Acomidem aquest espai de la Music, avui que hem escoltat la música d'Axel Red, de Kids United i de Caroline Costa, entre d'altres, doncs ens acomidem amb la cançó que donava nom a aquest treball del 2012. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, serà fins ben aviat aquí a Hola la Music. Adéu-siau. J'irai graver ton nom dans le plus beau des diamants. J'irai chercher de l'encre d'or ou bien d'argent. Je bâtirai tes grands palais comme les monts. Je deviendrai reine de la terre, des océans. J'irai crier ton nom de Rome jusqu'à Pékin. J'irai me battre contre une armée de fantassins. J'irai mourir à la porte de ta demeure si le ciel reprenait ton cœur. Que c'est toi que je veux dans ce monde-là. Il n'y en a pas deux. Sache que c'est toi que je veux. Le bon Dieu n'en a pas fait deux comme toi. Je dirai aux empereurs que la richesse n'est rien, qu'ils réunissent demain leurs armées et leurs rois. Mais nul n'aura l'amour que toi seul détiens. J'irai compter nos vies au Caire, au Calcutta, Madrid ou l'Amérique, icône, tu deviendras. Et si tu l'es juste pour moi, ça me suffit. Juste pour m'avoir donné la vie. Sache que c'est toi que je veux dans ce monde-là. Pas Dieu. Sache que c'est toi que je veux. Le bon Dieu n'en a pas fait deux comme toi, ma comme toi, ma mère.